8. Le livre des vertus. Chapitre 180. Le mérite de la récitation du Coran. 991. Abu Umama, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Récitez le Coran, car il viendra le jour de la résurrection, intercéder en faveur de ses amis ». Ceux qui avaient l'habitude de le réciter, de l'apprendre et de le mettre en pratique. Muslim. 992. An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « On fera venir, le jour de la résurrection, le Coran, ainsi que ceux qui, dans ce monde, le récitaient tout en appliquant ses enseignements. Il sera précédé par les sourates al-Baqarah, et Ali Imran, qui intercéderont en faveur de ceux qui avaient l'habitude de les réciter. » Muslim. 993. Selon Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne aux autres. » Al-Bukhari. 994. D'après Aisha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui récite le Coran avec maîtrise sera avec les nobles et pieux ambassadeurs, les anges, tandis que celui qui le récite en hésitant et difficilement, il obtiendra une double récompense. » Al-Bukhari et Muslim. 995. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le croyant qui récite le Coran est à l'image du cèdre, qui à la fois a bonne odeur et bon goût. Quant au croyant qui ne récite pas le Coran, il est semblable à la date. Elle n'a pas d'odeur, mais bon goût. L'hypocrite qui récite le Coran est comparable au basilic. Son odeur est agréable, mais son goût amer. Quant à l'hypocrite qui ne récite pas le Coran, il est semblable à la coloquinte, fruit amer et toxique de la Méditerranée. Elle n'a pas d'odeur et son goût est amer. Al-Bukhari et Muslim. 996. D'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah, par ce livre, le Coran, élève le rang de certains et en rabaisse d'autres. » Muslim. 997. Selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il n'est permis d'envier que deux catégories d'hommes, celui à qui Allah a donné la connaissance du Coran et qui l'applique nuit et jour, et celui à qui Allah a accordé des biens qu'il dépense pour faire le bien nuit et jour. » Al-Bukhari et Muslim. 998. Al-Bara ibn Azib, radiyallahu anhuma, relate. Un homme était en train de réciter la sourate Al-Kahf, la caverne, avec près de lui un cheval attaché par deux longes. Soudain, l'homme fut recouvert de l'ombre d'un nuage qui commença à se rapprocher de lui. Effrayé, le cheval se mit à fuir. Le lendemain, l'homme en informa le prophète, alayhi salatu wassalam, qui lui dit « C'est la sérénité, Sakina, qui est descendu grâce à la récitation du Coran. » Al-Bukhari et Muslim. 999. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui récite une lettre du livre d'Allah, le Coran, obtient une récompense, et à chaque récompense, 10 fois son équivalent. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre. » Mais Alif est une lettre, Lam est une autre lettre, et Mim est encore une autre lettre. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. 1000. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, celui qui n'a rien appris du Coran ressemble à la maison en ruine. At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan Sahih. حديث جوجي فابل بار شيخ الألباني رحمه الله. 101 سنو عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: On dira le jour de la résurrection à celui qui avait l'habitude de réciter et d'apprendre le Coran, lis-le et monte en degré et récite distinctement comme tu récitais sur terre. Tu atteindras ta demeure au dernier verset que tu auras récité. Abu Dawud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan Sahih.